طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue le cours, aujourd'hui c'est le cours 87 et on a commencé hier le chapitre 30. Le titre de ce chapitre c'est « Ma ja'a fi al-istisqa bil-anwa » c'est ce qui a été rapporté sur le fait que certaines personnes ils attribuent aux étoiles la tombée de, le fait que la pluie tombe. Et on a expliqué qu'est-ce qui a rapport avec ces choses-là dans les preuves que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionnées dans ce chapitre. Donc là, on a terminé de lire le hadith qui mentionne les quatre choses qui font partie de la jahiliya qui demeure dans cette umma. Maintenant, on va continuer donc à partir de ce point. Le Cheikh il dit, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne un autre hadith qui dit « وَلَهُمَا عَنْ زَيْدٍ ibn Khalid رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » Avant ça, il y a un autre hadith qu'on a pas encore lu. C'est celui qui dit waqala, c'est une autre narration qui par rapport au hadith. Waqala an-na'ihatu idha lam tatub qabla mawtiha tuqam yawm al-qiyamah wa 'alayha sirbanun min qatran wa dar'un wa dir'un min jarabin. Rawahu Muslim. Ça veut dire que la personne qui se fait des lamentations, ou bien comme on a expliqué hier, la personne qui fait les éloges de la personne morte après sa mort, eh bien, si elle ne se repent pas d'avoir fait une chose pareille, elle va être ressuscitée au jugement dernier avec un vêtement de qatran et un vêtement wadar'un min jarab. On va l'expliquer de toute façon à travers le sharh. Parce que al-qatiran c'est du cuivre fondu et en fait il y en a qui des fois c'est traduit comme du goudron, toutefois c'est comme le cheikh il l'explique, il dit c'est du cuivre fondu. En tout cas c'est un liquide chaud qui est fondu et qui colle sur la peau et qui c'est comme oui c'est ça Allah musta'an. Et wa dir'un min jarab, yani c'est un vêtement et al-jarab c'est une maladie de la peau, maladie de la peau. Ok, c'est rapporté selon l'imam muslim. Et là, le cheikh, il explique ce hadith-là. Donc, le cheikh, il dit, قوله وقال النائحة إذا لم تتب يعني ترجع عن النياحة وتندم على ما حصل منها وتعزم على أن لا تعود إلى النياحة في مستقبلها. وهذه شروط التوبة فالتوبة لغة الرجوع وشرعا هي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله وشروطها ثلاثة الإقلاع عن الذنب يرحمك الله الإقلاع عن الذنب والندم على ما حصل والعزم أن لا يعود إليه فإذا توفرت هذه الشروط فالتوبة صحيحة وإذا اختلنا شرط منها فهي توبة غير صحيحة ودل هذا على أن التوبة تمحو المعصية ولو كانت كبيرة ولو كانت شركا وكفرا بالله جل وعلا فالتوبة تجب ما تجب ما قبله ما قبلها من النياحة وغيرها. Donc le cheikh il explique que quand le cheikh Mohammed Abdul Wahhab il mentionne et dit le prophète sallam a dit un naïha, la personne qui fait ces lamentations là ou bien qui fait les éloges de mort, si elle ne revient pas sur ce qu'elle a fait, d'avoir fait ces genres de lamentations là ou ces plaintes là, et qu'elle n'a pas le remords de qu'est-ce qu'elle a fait, et qu'elle n'a pas la ferme intention de ne plus le refaire dans l'avenir, alors elle aura le châtiment qui est mentionné dans ce hadith. Et qu'est-ce que le cheikh mentionne ici? C'est les conditions de la repentance. Ok? Il y a trois conditions pour la repentance que le cheikh va énumérer. Donc, le mot tawba en arabe, il veut dire le retour ou le fait de revenir. Donc, c'est en fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala d'un péché qu'on a fait vers l'obéissance. D'accord? Et elle a trois conditions, comme le cheikh l'a mentionné. Première condition, que la personne cesse complètement de faire ce péché-là. La deuxième condition, c'est d'avoir le remords de ce qu'elle a fait. Et la troisième condition, c'est d'avoir la ferme intention de ne plus retourner à ce péché-là. Hein. Donc, si ces trois conditions-là sont présentes, eh bien, la repentance sera valable. Toutefois, s'il y a une des conditions qui manque, eh bien, la repentance ne sera pas acceptée. Donc, c'est pas suffisant d'avoir juste une ou deux de ces trois conditions-là. Il faut que les trois conditions soient présentes en même temps pour que ce soit une repentance qui est valable et qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit que ça prouve que si la repentance elle est valable, hein, si elle comprend ces trois conditions-là, eh bien elle est capable d'effacer tout péché, même si c'est un péché majeur. Le cheikh il dit, et même si c'est du shirk ou du kufr, si quelqu'un se repent, eh bien ça va effacer ce qu'elle a fait comme shirk et comme kufr ou comme grand péché ou comme bid'a ou peu importe quel autre péché la personne peut faire. D'accord? Et le cheikh il dit ensuite, « وَقَوْلُهُ قَبْلَ مَوْتِهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا تُقْبَلُ التَّوْبَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ الرُّوحِ الْحُلْقُومِ فَحِينَئِذٍ لَا تُقْبَلُ التَّوْبَةِ. Le cheikh explique, il dit que, comme le prophète sallam a dit dans ce hadith, que si la personne ne s'est pas repentie avant sa mort, qabla mawtiha, ça veut dire que, si la personne, elle se repent avant de mourir, ben ça, ce sera accepté. Toutefois, lorsque la mort arrive et que l'âme arrive jusqu'à la gorge, eh ben là, dans ce cas-là, c'est fini, la repentance ne pourra plus être acceptée. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « ma lam tugharghir », il y a un hadith qui dit que la repentance est acceptée tant que la personne n'a pas « lam tugharghir », ça veut dire n'a pas commencé à faire un son là comme ça dans sa gorge quand l'âme est sortie. C'est comme un sort de bruit qui arrive parfois. Donc c'est pour dire que tant qu'il y a, si l'âme n'est pas encore complètement sortie, eh bien la personne peut toujours se repentir tant qu'elle est proche de la mort ou qu'elle est avant qu'elle soit morte. Mais si une fois que l'âme arrive à la sortie, que les anges sont venus la chercher, puis que les anges commencent à tirer l'âme, et ben là c'est fini pour la repentance. Elle ne peut plus être acceptée. وقوله تقام يوم القيامة يعني من قبلها وعليها السربال. السربال هو الثوب ومن قطران هو النحاس المذاب ودرع من جرب. الدرع كذلك هو الثوب والجرب مرض جلدي يكون في الإبل ويكون في الإنسان. Donc le cheikh il dit que lorsqu'elle sera ressuscitée de sa tombe, elle aura un vêtement, un sirbal. Sirbal ça veut dire un vêtement. Mais le qatiran, le cheikh il dit que le qatiran c'est al-nuhas al-mudab, c'est-à-dire le cuivre quand il est fondu. Et dir'un min jarab, le cheikh il dit al-dir' c'est aussi un vêtement, et al-jarab c'est une maladie de la peau qui peut être chez le chameau ou bien chez l'être humain. فدل هذان الحديثان على مسائل. أولا فيه تحريم أمور الجاهلية وذمها عموما. Premièrement, ces deux hadiths-là montrent plusieurs points ou indiquent plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est interdit, les choses de la jahiliya sont interdites et elles sont blâmables en général. ثانياً فيه أن أمور الجاهلية لا ترتفع بالكلية بل يبقى منها شيء في بعض المسلمين. Deuxièmement, ça prouve que les questions qui ont rapport avec la jahiliya, elles ne sont pas complètement éliminées, et en reste toujours quelques-unes qui restent chez certains musulmans, des choses de la pré-islam, des caractéristiques de l'époque pré-islamique. ثالثاً وهي مسألة مهمة جداً أن من كان فيه شيء من أمور الجاهلية لا تقتضي ذلك كفره، ولكن يكون هذا ذنبا مذموما يجب عليه التخلي عنه والتوبة منه، ولكنه لا يقتضي الكفر، لأنه قال من أمتي فمن كان فيه شيء من أمور الجاهلية فهذا لا يقتضي كفره إلا إذا بلغ مبلغ المكفرات كالشرك بالله جل وعلا أو بلغ ناقضا من نواقض الإسلام المعروفة فهذا يكفر به. Troisième chose, une chose, et c'est une chose très importante, c'est que lorsque une personne a en lui une caractéristique qui fait partie des caractéristiques de la jahiliya, de la période pré-islamique et de l'ignorance, ça n'implique pas qu'il est mécréant, ça n'implique pas qu'il est nécessairement mécréant, parce que cette chose de la jahiliya peut être un péché qui est blâmable, mais qui ne nécessite pas ou qui ne signifie pas nécessairement que la personne elle est sortie de l'islam. Ça peut être simplement un péché. Et la personne, ça indique que la personne doit s'en débarrasser et qu'elle doit s'en repentir. Mais ça ne veut pas dire que la personne est mécréante. Et le prophète, la preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit min ummati, de ma umma. Donc ça prouve que ce ne sont pas des koufars, mais ils font partie de la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui a une question ou un point ou une caractéristique qui fait partie des caractéristiques de la jahiliya, il n'est pas nécessairement kafir. Sauf si cette caractéristique de la jahiliya fait partie des choses qui fait devenir quelqu'un kafir, comme par exemple le shirk billah, hein, ou bien que la personne a commise par cette forme de jahiliya une chose qui annule, une chose parmi les choses qui annulent l'islam d'un individu qui sont bien connues parmi les points qu'on appelle nawaqid al-islam. Donc, ça, on peut dire que la personne peut devenir kafir par rapport à si elle fait une de ces choses-là. Rabi'an, fihi dalilun ala tahrim al-masa'il al-arba'a al-mazkura, al-fakhru bil-ahsab, wa al-ta'nu fil-ansab, wa al-istisqa'u bil-nujum, wa al-niyaha, wa anna hadhihi al-umur min kaba'ir al-zunub. Le shaykh dit quatrièmement, il y a la preuve dans ces deux hadiths, que il y a la preuve que ces quatre choses-là sont interdites. La première chose, c'est d'avoir de sentir de l'honneur et de la fierté par rapport à nos ancêtres, et de se vanter de ça, et de rabaisser les autres, hein, et de rabaisser leur origine, et de chercher ou de croire que les étoiles sont à l'origine de la pluie, et de se plaindre lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt, hein, de se plaindre lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt et de faire des lamentations, ou bien de faire son éloge et de mentionner ses qualités et des trucs de ce genre. Donc tout ça, ça fait partie des choses de la jahiliya et ça fait partie des grands péchés. خامساً فيه دليل على أن التوبة تمحو ما قبلها. Cinquièmement, il y a la preuve que la repentance efface ce qui vient auparavant, hein, ce que tu as fait auparavant. Donc quand tu te repentis d'un péché, eh bien ça efface tout ce que tu as fait auparavant avant ce péché-là. Sadisan fihi anna qubul at-tawba muhaddadun bima qabla al-maut. Non, c'est-à-dire, c'est ce que ça veut dire. En fait, peut-être pour spécifier que la repentance, eh bien, elle efface tout péché pour lequel tu te repentis, hein, d'accord. Et l'islam, ça efface tout ce qui vient auparavant. tous les péchés que quelqu'un a fait avant d'être musulman, quand il se convertit à l'islam, ça efface tout. Mais si la repentance est faite pour tous les péchés, ça efface tous les péchés. Voilà, c'est essayer de faire tous les péchés. Mais si la personne se repentit d'un péché en particulier, ben ça efface ce péché-là en particulier. Et dans Riyad al-Salihin, dans le chapitre de la repentance, il y a une note à ce sujet-là de l'imam al-Nawawi qui parle de cette question-là. Est-ce que c'est condition quand on se repentit de se repentir de tous nos péchés, ou bien de se repentir, si on se repent d'un seul, est-ce que ça compte aussi? Il y a une note là-dessus. Et dans le Sharh, le Cheikh Ibn Uthaymin, il a parlé de cette question-là, si vous voulez retourner pour avoir plus de détails là-dessus. Après, le Cheikh il dit, سادسا فيه أن قبول التوبة محدد بما قبل الموت. Le sixième point, c'est que la repentance est limite à qu'est-ce qui est avant la mort. Une fois que la mort arrive, eh ben ça y est, tu peux plus te repentir. D'accord. Wallahu ta'ala a'lam. Après, le cheikh il explique maintenant le dernier hadith qui est mentionné dans ce chapitre, ou bien l'avant-dernier hadith. C'est un hadith qui est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim. الشيخ ذي ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل عن الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. Donc ça c'est le hadith en question. C'est rapporté selon Zayd ibn Khalid que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière de subh avec les gens à un endroit qui s'appelle Al-Hudaybiyah après qu'il y ait eu de la pluie durant la nuit. Et lorsque ils se sont فَلَمَّنْ صَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ, lorsqu'ils ont fini de faire la prière, il s'est mis devant les gens et il leur a demandé: savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Ils ont dit: Allah et son messager, c'est mieux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: votre Seigneur a dit, ce matin, certains de mes serviteurs se sont levés en croyant en moi, certains de mes serviteurs se sont réveillés croyant en moi et d'autres mécréants. Celui qui a dit: nous avons eu la pluie à cause de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, alors celui-là a cru en moi et il a rejeté la foi en l'étoile ou en l'astre. En ce qui concerne celui qui a dit: on a eu la pluie à cause de telle ou telle étoile, alors celui-là il a mécru en moi et il a cru en cette étoile. Donc ça c'est le hadith en question, et le cheikh il l'explique ce hadith et il dit: قوله رحمه الله ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن زيد بن خالد الجهني صحابي جليل مشهور والجهني نسبة إلى جهينة القبيلة المعروفة وهي قبيلة كبيرة من قبائل العرب. الشيخ زي كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب زي ولهما فذكر لهما زي et pour les et les deux et ils ont également mentionné ce hadith là. Les deux en question, c'est l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim qui ont rapporté le hadith qui était mentionné précédemment dans leur sahih. Et c'est rapporté selon Zayd ibn Khalid al-Juhani. C'est un sahabi qui est très connu, très célèbre, hein, un noble sahabi. Et al-Juhani, c'est par appartenance, ou ça signifie qu'il appartient à la tribu qu'on appelle Juhayna. Et c'est une très grande tribu parmi les tribus des Arabes. Et elle est très connue, cette tribu-là. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore cette tribu-là, il y a encore des, elle existe encore aujourd'hui, Al-Juhayna, il y en a encore. Même il y avait un récitateur dans Al-Haram, je pense que c'est à Médine, qui s'appelle Al-Juhani, son nom de, son dernier nom, c'est Al-Juhani qui est la tribu de Juhayna. قال صلى لنا المراد صلى بنا فاللام هنا بمعنى الباء. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a prié comme imam, celui qui a dirigé la prière pour les gens. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح, يعني c'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم a dirigé la prière de صبح, la prière de فجر. يعني صلاة الفجر سميت صلاة الصبح لأنها تجب لأنها تجب عند طلوع الفجر كما قال تعالى وقرآن الفجر يعني صلاة الصبح. Donc la prière de subh c'est la prière de fajr. Il y a beaucoup de frères souvent ils se mélangent. On a expliqué ça plusieurs fois. Les frères qui viennent du nord de l'Afrique parce que souvent ils font une distinction entre le subh et le fajr. Donc pour eux le fajr c'est je pense que c'est qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, les deux rakats qu'ils font auparavant, et le subh c'est l'obligatoire. Alors qu'en réalité il n'y a pas de différence entre les deux, le subh et le fajr c'est un synonyme, c'est deux synonymes pour la même, pour une seule et même chose, c'est-à-dire la prière obligatoire le matin. Puis les deux rakats qu'on fait qui ne sont pas obligatoires auparavant, et ben c'est des prières, c'est deux rakats qu'on appelle, c'est une sunna mu'akkada. Ceux qui la font après, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de la faire avant, donc ils la font tout de suite après la prière. Ouais, ouais, c'est correct. La faire après si tu n'as pas pu la faire avant. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. C'est ça. En tout cas, ça veut dire, Qur'an al-Fajr, ça veut dire Salat al-Subh, Salat al-Fajr, c'est ça que ça veut dire, la prière du Fajr. Bil-Hudaybiyya, ismu makanin. على حدود الحرم من جهة الغرب قريب من التنعيم يقال له الآن الشميسي وهو عند مدخل الحرم للقادم من جدة يقال الحديبية بالتخفيف لا ويقال الحديبية الحديبية والحديبية بالتشديد والمشهور الأول. Ah oui, donc c'est ça, le cheikh dit que Al-Hudaybiyya c'est un endroit qui est à la limite de la région qui est considérée comme étant un sanctuaire, c'est-à-dire qui fait partie du haram, de la direction de l'ouest, hein, par l'ouest. Et c'est près de At-Tan'im. Et on appelle cet endroit-là aujourd'hui Al-Shamisi. Et c'est à l'entrée du haram pour ceux qui arrivent de la région de Jeddah. Par la région de, par Jeddah, ils arrivent par cette région-là. Et on l'appelle Hudaybiyya ou bien Hudaybiyya. Et le premier, c'est le plus connu. Le cheikh dit, فَلَمَّا إِنْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ لِأَنَّ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْإِمَامِ إِذَا فَرِغَ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بل ينصرف إلى الناس ويقبل عليهم بوجهه فلما كان النبي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. Lorsqu'il s'est tourné, c'est ça, lorsqu'ils ont fini de faire la prière, il s'est tourné et il s'est mis devant les gens. Ça fait partie de la sunna, que lorsque l'imam termine la prière, il ne reste pas dans la direction de la qibla, mais il se tourne vers les gens. Il met le visage face à eux, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم هذا فيه مشروعية الموعظة بعد الصلاة إذا صار لها مناسبة كتنبيه على خطأ وقع أو بيان لواجب أو موعظة عامة وحث على تقوى الله فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس أحيانا ولم يكن يداوم على ذلك وإنما يفعل ذلك أحيانا خشية الملل فكان يتخولهم بالموعظة صلى الله عليه وسلم خصوصا إذا حصل شيء يحتاج إلى تنبيه مثل هذه القضية. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, est-ce que vous savez ce que votre Seigneur a dit? Et dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette chose, ou a demandé aux sahaba une chose pareille, il y a la preuve qu'il est permis dans l'islam, et que c'est légiféré dans l'islam, de donner une exhortation après la prière, s'il y a une occasion de le faire. Comme par exemple, s'il est arrivé une erreur, certaines personnes ont fait quelque chose qui n'est pas correct, ou qui est arrivé quelque chose de contraire à la sunna, ou contraire à l'islam, et que l'imam a envie de clarifier cette chose-là et d'expliquer aux gens qu'est-ce qui est obligatoire de faire, eh bien c'est bon de faire un rappel général et une exhortation générale dans une occasion pareille, ou bien d'inciter les gens à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parfois il exhortait les gens de cette façon-là, mais il ne le faisait pas de façon continuelle, il ne faisait pas de façon continuelle, mais il le faisait de temps à autre, hein, de temps à autre, parce qu'il avait peur de que les gens soient, comme ils commencent à trouver ça ennuyant, s'il le fait trop souvent, comme après chaque prière ou bien tous les jours ou des choses comme ça, peut-être que ça devient trop lourd et les gens vont être ennuyés par la suite, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait de temps en temps, puis des fois il ne le faisait pas, pour que les gens ne perdent pas le goût d'entendre des exhortations de ce genre. Donc quand il y avait une nécessité, en particulier lorsqu'il y avait un besoin ou une nécessité, ben il le faisait. Comme dans la situation qui s'était présentée à ce moment-là, comme c'est mentionné à la fin, juste après ce hadith, c'est mentionné que certains parmi les sahaba ou certaines personnes avaient dit que la pluie, telle étoile avait fait tomber là, la pluie. Et donc, à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette exhortation-là. Le cheikh il dit, وَفِي هَذَا مَشْرُعِيَةُ التَّعْلِيمِ مِنْ خِلَالِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ فَالْمُعَلِّمْ يَسْأَلُ الطَّالِبِ أَوَّلًا مِنْ أَجْلِ أَنْ يَنْتَبِحْ لِلْجَوَابِ يسأل الطالب أولا من أجل أن ينتبه للجواب، لأن هذا يكون أبلغ في التعليم وأنبه للطالب، لأنه إذا سئل أولا ثم أجيب فإنه يكون هذا أثبت في ذهنه، بخلاف ما لو ألقي إليه العلم ابتداء فإنه قد لا يتنبه له تماما. Donc le cheikh dit qu'il y a donc dans ça une indication que c'est permis de faire l'enseignement des gens par la question et la réponse, en utilisant la méthode de question-réponse. Lorsque le prof ou l'enseignant demande à l'élève en premier, il prend son attention et puis ensuite il lui répond, eh ben quand le professeur fait ça, eh ben l'élève va donner son attention encore plus, et donc la réponse va rester plus ferme dans son esprit, dans sa mémoire, contrairement si par exemple quelqu'un fait juste donner la science du premier coup sans poser la question au début, parfois l'élève ne porte pas tellement attention à qu'est-ce que peut dire le professeur. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise souvent cette méthode-là. Il pose aux sahaba une question pour attirer leur attention, puis après il leur donne la réponse. Ensuite le cheikh il dit, « قالوا الله ورسوله أعلم هذا فيه أن المسؤول إذا لم يكن عنده علم ولا جواب أنه لا يتخرص وإنما يكل العلم إلى عالمه فيقول الله ورسوله أعلم، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فيقول الله أعلم فقط، ففيه مشروعية تفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك، للصحابة on dit الله et son messager savent mieux. الله et son messager savent mieux. Et il y a donc dans ça la preuve que lorsque la personne qui est questionnée ne connaît pas la réponse et n'a pas de réponse, alors elle commence pas à jouer à la devinette et à faire des devinettes ou à essayer de deviner par elle-même. Parce que si elle ne sait pas, elle ne sait pas. Elle ne peut pas commencer à dire n'importe quoi sur la religion d'Allah. Donc, si tu ne sais pas, tu ne sais pas et tu ramènes ou tu renvoies la connaissance à celui qui la détient, c'est-à-dire à Allah. Et si c'est à l'époque du prophète Mohammed, on disait Allahu wa Rasuluhu A'lam, Allah et son messager savent mieux. Mais si c'est après la mort du prophète, on se limite à dire Allah c'est mieux. On ne dit pas et son messager, on dit seulement Allahu A'lam. Parce que le prophète n'est plus de ce monde. Et donc il y a dans ça la permission de renvoyer la science à Allah subhanahu wa ta'ala. فأجاب صلى الله عليه وسلم وقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي الله هذا من الأحاديث القدسية نسبة إلى القدس وهو الطهارة والتقديس هو التطهير فسمي بذلك تشريفا له لأنه من كلام الله فالحديث القدسي من كلام الله ولفظه ومعناه أما الحديث غير القدسي فهو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن المعنى من الله لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلا أن الحديث القدسي مع أنه من كلام الله لا يأخذ حكم القرآن من كل وجه بحيث لا يتعبد بتلاوته مثل القرآن وبحيث لا يمسه إلا طاهر مثل القرآن وأنه يشترط له التواتر مثل القرآن ومن حيث إنه تجوز روايته بالمعنى أما القرآن فلا تجوز روايته بالمعنى الحاصل أن بين الحديث القدسي وبين القرآن فروقا كثيرة وإن كان يجتمع مع القرآن في أنه كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى donc le cheikh explique ici il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم quand il a posé la question, les sahaba ont répondu « Allah et son messager savent mieux ». Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit que Allah a dit. Quand il dit, il a dit que Allah a dit, ça, quand on lit un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah a dit », ça s'appelle un hadith qudsi. C'est-à-dire, il mentionne la parole d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on appelle ça un hadith qudsi. Et qu'est-ce que ça veut dire qudsi? Ça vient du mot quds, ou bien ça vient de al-quds, qui veut dire la purité, la pureté. Et at-taqdis, ça veut dire la purification, hein, ou bien la sainteté, la purification. Et on l'appelle comme ça pour honorer ce hadith, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on appelle ce hadith un hadith qudsi, pour honorer ce hadith. Et le hadith qudsi fait partie de la parole d'Allah dans ses mots, hein, et dans sa signification. Les mots et la signification sont d'Allah, viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah et la signification vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement au hadith ordinaire, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas un hadith qudsi, qui est un hadith nabawi, dans ce cas-là, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la signification de cette parole vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une révélation d'Allah et c'est une inspiration qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la signification de cette parole-là, elle est inspirée par Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement au hadith qudsi, qui est la parole d'Allah dans ses mots et dans sa signification également. Et la preuve que le hadith qui n'est pas qudsi, c'est la parole, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est, et la signification elle vient d'Allah, c'est le hadith, c'est le verset 3 et 4 dans sourate al-Najm, « وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ » Il ne parle pas selon ses passions, ce n'est qu'une révélation qui lui est transmise. Donc ça veut dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait que donner la révélation. Il ne fait que donner la révélation qui lui est transmise par Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il dit, amma al-hadith ghayr al-qudsi. Okay. Il dit que, inshallah, wa alaykum salam, wa rahmatullah, Hamza. Comment ça va, akhi? Alhamdulillah. Kabir. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ وعليكم ورحمة الله. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. نعم ما شاء الله. دونك الحمد لله. الله continue إن شاء الله. Le Cheikh dit le hadith Qudsi, il a, même si c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des différences par rapport au Coran. Il n'est pas, aux mêmes égalités avec le Coran, même si c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas le verdict de tous les, sur tous les points de vue comme le Coran. Il y a des différences. Par exemple, on ne prend pas sa récitation comme une adoration comme le Coran. Par exemple, le Coran, quand on le récite, c'est une adoration. On reçoit des hasanats pour ça. Tandis que le hadith Qudsi, c'est pas de le réciter hein, et de le lire de cette façon-là. C'est pas une adoration comme le Coran. De même que il ne nécessite pas le hadith Qudsi ne nécessite pas la pureté de la même façon que le Coran nécessite qu'on soit en état de pureté. Également, il n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition que le hadith Qudsi soit mutawatir, c'est-à-dire qu'il soit apporté par un nombre vraiment large de personnes. Contrairement au Coran, il faut qu'il soit mutawatir pour que sa récitation soit acceptée. Mais le hadith annahu tajuzu riwayatuhu bil-ma'na, le hadith Qudsi, on peut le rapporter par sa signification, c'est-à-dire on mentionne pas les termes exacts, mais la signification de ce que ça veut dire. Tandis que le Coran, on peut pas faire ça. Il faut le rapporter tel quel, sa parole, et non pas sa signification. Donc, il y a des différences entre le hadith Qudsi et le Coran. Même si, toutefois, on dit oui que le Coran, c'est la parole d'Allah, et le hadith Qudsi aussi, c'est la parole d'Allah, les mots et la signification, les deux font partie de la parole d'Allah. Contrairement aux Asha'ira, les gens de Bid'a parmi les Asha'ira et les Ahdash et les autres groupes de Bid'a, qui disent que la signification c'est la parole d'Allah, mais les mots c'est pas la parole d'Allah. Hein? Ils disent que c'est des mots qui sont créés et des lettres qui sont créées, c'est pas la parole d'Allah, c'est seulement la signification, ils disent que c'est seulement la signification qui est la parole d'Allah. C'est pour ça que parfois vous allez voir dans la définition du Hadith Qudsi, si c'est des ulama qui ont été influencés par les Asha'ira, parfois ils définissent le hadith Qudsi en disant que c'est la parole d'Allah dans les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est la définition du hadith, c'est la définition du hadith ordinaire, le hadith nabawi. Ça c'est pas la définition du hadith Qudsi. Le hadith Qudsi c'est la définition du hadith Qudsi c'est que c'est la parole d'Allah et que c'est la signification des paroles d'Allah, c'est-à-dire les mots et la signification viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement au hadith ordinaire. Donc ça c'est une explication par rapport à ce point-là, parce que vous trouvez parfois des définitions fausses au sujet du hadith Qudsi, il faut faire attention à ce sujet-là. Le cheikh dit wa fi qawlihi qala ithbatu anna Allah yatakallam fasifatu al-kalam thabitatun lillah يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله ليس مثل كلام المخلوقين فكيفيته وكلهه لا يعلمها إلا الله ولكنه ثابت لله من صفات الأفعال التي يفعلها الله سبحانه وتعالى إذا شاء سبحانه وتعالى ففيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الكلام عن الله subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il explique ici, il dit que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'Allah, qala, Allah a dit, il y a dans ça la preuve que Allah a l'attribut de la parole et qu'il parle et qu'on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala cet attribut de la parole. Il parle quand il veut et il dit ce qu'il veut. Yatakallamu matasha, quand il veut, إذا شاء et lorsqu'il veut. Et sa parole, il parle d'une parole qui lui convient, hein, qui convient à sa grandeur et sa majesté. et sa parole n'est pas comme la parole des créatures. La façon de cette parole-là est la réalité de cette parole-là, c'est-à-dire dans le sens que la description de cette parole, comment elle est, comment il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le savoir, le comment. Sauf que on affirme cet attribut-là à Allah subhanahu wa ta'ala et que ça fait partie des attributs, des actions que Allah subhanahu wa ta'ala fait quand il veut la faire. Hein? Comme par exemple, quand il veut créer, il crée. Hein? C'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait partie des attributs de l'action. Quand il veut créer, il crée. Quand il veut parler, il parle. Quand il veut rabaisser quelqu'un, il rabaisse. Quand il veut, peu importe qu'est-ce qu'il veut faire, il décide. Quand il décide de le faire, c'est lui qui décide, et donc il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est donc une réfutation des Jahmiyyah, c'est une réfutation des Mu'tazila, et c'est une réfutation des Asha'ira qui nie cet attribut-là, ainsi que d'autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le Cheikh, il dit « أصبح من عبادي يعني بسبب نزول المطر مؤمن بي وكافر مؤمن بي بسبب هذه النعمة وكافر بسببها دال على أن حصول النعم ابتلاء من الله ويبتلي به عباده فمنهم من يشكر الله فيكون مؤمنا ومنهم من ينكر نعمة الله فيكون كافرا بنعمه. Le Cheikh il dit que ce matin, hein, il y a eu de mes serviteurs, hein, à cause de la tombée de la pluie, il y en a eu de mes serviteurs qui ont cru en moi à cause de cette miséricorde de la pluie, à cause de cette grâce que j'ai fait tomber. Il y en a qui sont devenus croyants et il y en a qui sont devenus mécréants à cause de cette grâce et à cause de cette miséricorde de la pluie. Ça prouve que lorsque quelqu'un reçoit une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une épreuve en réalité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah éprouve ses serviteurs par une grâce qu'il leur donne. Certains serviteurs vont être reconnaissants et vont remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce, et il va être donc mu'min, il va être croyant et il va être reconnaissant. Toutefois, il y en a d'autres qui vont renier cette grâce et cette miséricorde, et à cause de cette miséricorde, il va devenir mécréant, hein, kafir, en cette miséricorde. C'est-à-dire, il va renier cette miséricorde, il va devenir ingrat. Hein. Donc, il y en a qui deviennent reconnaissants, donc qui deviennent ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ثم بين sallallahu alayhi wa sallam سبب ذلك فقال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته يعني نسب النعمة إلى الله والتفضل والرحمة صفة من صفات الله فالله هو الذي يتفضل وهو الذي يرحم ونزول المطر أثر من آثار رحمة الله كما قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها يعني بإنزال المطر وإنبات النبات فذلك مؤمن به وكافر بالكوكب لأنه لم ينسب نزول المطر إلى طلوع الكواكب أو غروبها وهو ما يسمى بالنوء. الشيخ الزي ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué les causes de ça. C'est-à-dire, il a expliqué pourquoi certains serviteurs se réveillent mécréants et d'autres se réveillent croyants. Il l'a expliqué en mentionnant les paroles de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en ce qui concerne celui qui a dit, ou celui qui a attribué la pluie à la grâce et à la miséricorde d'Allah, alors celui-là, il est croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il a attribué la pluie à Allah et à sa miséricorde et à sa grâce. Et la grâce et la miséricorde sont deux parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait grâce et il fait miséricorde à qui il veut. Et c'est lui, fait grâce et miséricorde à qui il veut. Et la descente de la pluie, c'est une des traces qui font partie des traces de la miséricorde et manifestation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Ar-Rum, le verset 50, regardez là les traces de la miséricorde d'Allah, comment il fait revivre la terre après sa mort, c'est-à-dire en faisant descendre la pluie et il fait pousser les plantes avec cette pluie. Donc celui, celui-là, celui qui a attribué la pluie à la miséricorde d'Allah et à Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, c'est lui en réalité qui a cru en moi et qui a mécru en les étoiles. Parce qu'il n'a pas attribué le fait que la pluie descend ou que la pluie tombe au fait qu'une étoile ou un astre se lève ou se couche. Il a attribué ça uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on appelle al-naw, comme on a expliqué au début de ce chapitre, ceux qui attribuent la pluie aux astres ou aux étoiles. Donc celui qui dit la pluie est tombée par la grâce d'Allah, celui-là il a cru en Allah. Mais celui qui a dit on a eu la pluie à cause de telle ou telle étoile, il a mécru en Allah. Il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il explique ça, il dit amma man qala muturna bi naw'i kadha wa kadha. C'est-à-dire il a renié la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a renié la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit amma man qala muturna bi naw'i kadha wa kadha wa naw'u سبق لنا أنه هو النجم إذا طلع من المشرق وقت الفجر أو غاب من في المغرب وقت الفجر كان أهل الجاهلية ينسبون المطر إلى طلوع النجم أو غروبه فيزعمون أنه إذا طلع النجم أو غرب ينزل المطر ويعتقدون أن هذا بسبب الكواكب وينسبونه لله تعالى هذا كفر لأنهم نسبوا النعمة إلى المخلوق هذا وهذا شرك بالله شرك في الربوبية وكل مشرك كافر وهذا فيه دليل على كفر من استسقى بالأنواع ونسب نزول المطر إليها وأن نزول المطر بتأثيرها لأن نزول المطر إنما هو بقدرة الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزله متى شاء وأين شاء ويمنعه متى شاء وأين شاء ويصرفه سبحانه وتعالى تطلع الأنواء ولا يحصل مطر ويحصل المطر في غير طلوع الأنواء فيحصل المطر في أي وقت شاء الله وهذا شيء مشاهد أن المطر ينزل في جميع الأحيان ولا يتقيد بظهور النجم فهذا دليل على كذب هؤلاء الشيخ explique et il dit que celui qui a dit comme on a expliqué tout à l'heure que la pluie est tombée à cause de telle ou telle étoile, et on a expliqué déjà dans le cours passé, hier, on a expliqué à Nau que c'était l'étoile. Lorsqu'elle se lève à l'Orient, et à l'heure du Fajr, et lorsqu'elle se couche à l'Occident, à l'heure du Fajr, alors là, on appelle ça Nau, c'est l'étoile. Et les gens de la Jahiliya, ils disaient que la pluie tombait à cause de ces étoiles-là. Lorsque l'étoile se levait ou se couchait, ils croyaient que c'est ça qui faisait tomber la pluie. Et donc ils croyaient que c'était... Il y en a qui croyaient que c'était eux, que c'était les étoiles qui font tomber la pluie, donc ils croyaient que c'était une cause dans le fait que la pluie tombe. Et ils attribuaient la pluie donc à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il refusait d'attribuer la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est kufr. Et on a expliqué les degrés hier, on a dit, celui qui croit que l'étoile elle-même a le pouvoir de faire tomber la pluie, et que c'est elle qui fait ça indépendamment d'Allah, alors celui-là il est kafir mushrik, il a quitté l'islam. Toutefois s'il croit que c'est pas l'étoile, que c'est Allah qui fait tomber la pluie, il croit que c'est Allah qui fait tomber la pluie, mais que l'étoile est une cause, celui-là il n'est pas en dehors de l'islam. Toutefois son shirk, et son kufr est un kufr mineur, et c'est un grand parmi les grands péchés. On a expliqué ça. Et donc le cheikh il explique que celui qui croit donc que la pluie vient de les étoiles, ça c'est une forme de shirk dans Ar-Rububiyya. Et donc toute personne qui est mushrik, il est kafir en même temps. Et il y a la preuve que celui qui croit que la pluie tombe par les étoiles, il est mécréant. Et ونسب نزول المطر إليها أو ينزل المطر بتأثيرها. Celui qui croit que c'est la pluie, les étoiles qui font tomber la pluie, ou qu'elle est tombée à cause de l'effet de l'étoile. parce que la descente de la pluie, ça vient uniquement par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui décide quand est-ce qu'elle tombe la pluie et où elle tombe. Et personne ne peut empêcher la pluie autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne peut la faire tomber autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide quand elle tombe et où elle tombe, et c'est lui qui l'empêche où il veut. C'est-à-dire, s'il veut que la pluie ne tombe pas quelque part, elle ne tombe pas à cet endroit-là, et elle ne tombe pas à ce moment-là. C'est-à-dire, le moment et le lieu, c'est Allah qui décide si la pluie tombe à ce moment-là et à cet endroit-là, ou si elle ne tombe pas à ce lieu-là et à ce moment-là. C'est Allah qui décide ça, et pas les étoiles ou quoi que ce soit d'autre, hein, la création. Et parfois, il y a des étoiles qui peuvent se lever ou se coucher, il n'y a pas de pluie qui tombe. Et des fois, il y a de la pluie qui tombe à d'autres moments qui sont en dehors des moments où la pluie, où l'étoile se lève ou se couche. Donc, ça prouve que la tombée de la pluie n'a rien à voir avec, avec la levée ou le coucher des étoiles. Et donc, ça prouve que ces gens-là sont des menteurs. Hein. La pluie peut tomber à n'importe quel moment, et à n'importe quel endroit, sans que ce soit relié aux étoiles. Et donc, c'est la preuve que ces gens-là sont des menteurs. وفيه مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر وطرنا بفضل الله ورحمته. Et il y a la preuve qu'on a le droit de dire on a reçu la pluie à cause de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. وفيه التنبيه على شكر الله عند حدوث النعم من الأمطار وغيرها. فكلما حصل للإنسان نعمة فإنه يجب عليه أن ينسبها إلى الله وأن يشكر الله عليها ولا ينسبها إلى غيره لا إلى حوله وقوته ولا إلى أحد من خلقه وإنما ينسب الفضل إلى المتفضل وهو الله سبحانه وتعالى. الشيخ يقول il y a aussi un point important, c'est que lorsque tu reçois une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu sois reconnaissant pour cette grâce. Hein? Que ce soit la tombée de la pluie ou autre chose. Chaque fois que tu reçois une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est obligatoire pour toi de l'attribuer à Allah cette grâce et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce et de ne pas attribuer cette grâce à autre que lui. Ni à ta force, ni à ton mouvement, ni à quoi que ce soit d'autre parmi les créatures, uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui te donne cette grâce. Non. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est pas permis d'insulter la pluie, d'insulter le temps, et tout ça. Il y a un chapitre, justement, qui va venir plus loin, qui parle de ce sujet-là, inchallah. Ouais, il y en a qui disent, ah, le maudit temps, ou ils insultent la pluie et le mauvais temps. Ça, c'est pas permis de faire ça. Et, celui qui dit ça, donc, c'est comme s'il insulte Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui contrôle le temps. Donc, c'est très grave. Faut faire attention à des paroles comme ça. Le cheikh, il dit, هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. فيه مشروعية الموعظة بعد الصلاة خصوصا إذا حصل مناسبة لها. Il y a dans ce hadith plusieurs points importants. Parmi ces points-là, le fait qu'il est permis de faire un rappel ou une exhortation après la prière, en particulier s'il y a une occasion particulière, s'il y a une occasion qui demande qu'on en parle. فيه مشروعية صلاة الجماعة في السفر كما هي مشروعية في الحضر. Il y a également le point qu'il est permis de faire la prière en jama'a quand on est en voyage, comme c'est légiféré de la faire en jama'a quand on n'est pas en voyage. فيه مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب لأن ذلك أبلغ في التفهيم وأيسر للتعليم وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرارا وتكرارا. Il y a aussi le fait qu'il est permis, quand on fait un enseignement, d'utiliser les questions et réponses comme moyen ou comme méthode d'enseignement. et que c'est un moyen qui aide beaucoup à la compréhension et qui facilite l'apprentissage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé يعني plusieurs fois. Il a répété ça souvent. وفيه وهو الشاهد من الحديث للباب أن نسبة المطر إلى الأنواع كفر بالله سبحانه وتعالى وشرك وأن نسبة النعم والأمطار إلى الله إيمان بالله وتوحيد. Il y a dans ce chapitre également ou dans ce hadith et c'est en fait le point, c'est la raison pourquoi ce hadith a été mentionné dans ce chapitre, c'est la preuve que d'attribuer la pluie aux étoiles est une forme de kufr à Allah subhanahu wa ta'ala et shirk, et d'attribuer les grâces et la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala c'est une forme de foi et c'est un exemple de foi en Allah subhanahu wa ta'ala et une forme de tawhid. وفيه أن حصول النعم ابتلاء وامتحان من الله تعالى ليتبين بذلك المؤمن من الكافر. الله سبحانه وتعالى إلى فرسيسك الله سبحانه وتعالى il éprouve ou il fait il teste ses serviteurs par différentes grâces qu'il leur donne pour distinguer qui est croyant et qui est non croyant ou qui est reconnaissant et qui est ingrat parmi ses serviteurs. Et فيه مشروعية قول مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر مطرنا بنوء كذا أو مطرنا بفضل الله وبرحمته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويقول اللهم نعم في مشروعية هذا الكلام عند نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صيبا نافعا. Donc le cheikh il dit qu'il y a le fait que lorsque la pluie tombe c'est bien de dire on a reçu la pluie par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, comme le prophète صلى الله عليه وسلم il disait lorsque la pluie tombait اللهم صيبا نافعا, يعني de faire en sorte que cette lui soit bénéfique. Ensuite, il y a un autre hadith qui est mentionné, et c'est le dernier hadith dans ce chapitre. Le cheikh il dit ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا. Dans le hadith, dans un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim, qui est rapporté selon Ibn Abbas, il y a c'est un hadith dans la même signification, du même sens. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Un hadith du même sens, certains ont dit لقد صدق نوء كذا, c'est-à-dire quand ils ont vu la pluie tomber, ils ont dit l'étoile a dit vrai. Ou cette étoile a dit vrai en voulant dire que cette étoile, c'était à cause de cette étoile que la pluie est tombée. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les versets suivants. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Comme on l'a expliqué au début, c'est des versets dans Sourate Al-Waqi'a, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala jure par les étoiles. Et donc, on va expliquer maintenant ce hadith-là. Le Cheikh dit wa qawluhu, wa lahuma ayl al-Bukhari wa Muslim, min hadith ibn Abbas ma'nahu. Hada mithl al-hadith alladhi qablahu, lamma nazala alayhim al-matar, qalu, sadaqa naw kaza wa kaza. زعموا أن طلوع النجم هو الذي حصل به المطر فهم نسبوا نزول المطر إلى النوء فصدقوه فأنزل الله تعالى منكرا عليهم قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا يعني قوله تعالى فلا لا هذه نافية, أي ليس الأمر كما زعمتم أن نزول المطر بسبب صدق النوء الفلاني وإنما المطر بفضل الله. Donc le cheikh explique, il dit que c'est également rapporté par Al-Bukhari, muslim selon Ibn Abbas, radiyallahu anhu, un hadith dans la même signification que celui qu'on a mentionné, et dans ce hadith-là, lorsqu'il y a eu de la pluie qui est tombée, certaines personnes ont dit, on a reçu la pluie à cause de telle ou telle étoile, et que c'est à cause de telle ou telle étoile que la pluie est tombée. Donc ils ont attribué la pluie à cette étoile, et ils ont cru en cette étoile. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset-là, le verset dans sourate Al-Waqi'a, « Fala uqsimu bimawaqi'a al-nujum » Et le cheikh mentionne que le mot dans ce verset-là, quand Allah dit « Fala », c'est une négation, « La nafiya », c'est pour dire non, c'est pas à cause de cette étoile que la pluie est tombée, contrairement à ce que vous prétendez et à ce que vous pensez, mais c'est uniquement par la grâce d'Allah que la pluie est tombée. فلا أقسم بمواقع النجوم ثم أقسم جل وعلا على هذا النفي الله سبحانه وتعالى il a juré sur cette négation là. Il a dit non, c'est faux ce que vous attribuez à l'étoile, et je jure de ça. Allah سبحانه وتعالى il dit je jure de ça par les étoiles. والمشهور كما اختاره ابن جرير أن المراد بالنجوم هنا الكواكب. Qu'est-ce qui a été rapporté au sujet des étoiles dans ce verset-là, al-nujum, c'est-à-dire les astres, al-kawakib, لِأَنَّ طُلُوعَهَا وَغُرُوبَهَا آيَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِمَنْ يَتَدَبَّرْهَا. يعني le soleil, la lune et les autres astres. Tout ça, c'est des signes, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui réfléchit et qui médite. وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى يقسم بما شاء من خلقه وهو لا يقسم إلا بشيء فيه سر عظيم يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى نظر فلو نظرت إلى تنظيم هذه النجوم في مسارها وتعاقبها وعدم تخلفها عن نظامها وانتظامها ونظرت إلى زينتها وتلألئها وبهائها في السماء لدلك ذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعته. Donc le cheikh il dit que Allah a juré par les étoiles, par les astres, et il jure par ce qu'il veut de sa création, et il ne jure que par quelque chose qui a un grand secret ou quelque chose qui mérite notre méditation, qu'on réfléchisse là-dessus et qu'on médite sur sa signification. Et il dit que si tu observes bien les positions et l'organisation des étoiles et comment elles circulent et comment elles se suivent, elles se succèdent une après l'autre, et comment elles ne retardent pas de cette organisation et de cette façon comment Allah subhanahu wa ta'ala les a placés, et si tu regardes à leur beauté et leur scintillement et comment elles embellissent le ciel, tout ça, ça te montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa puissance, et comment il a bien créé les choses, comment il a bien fait les choses. Et فَاللَّهُ أَقْسَمَ بِهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الْعَجَائِبِ. Allah subhanahu wa ta'ala il a juré donc par les étoiles à cause de qu'est-ce qu'elle renferme d'étonnement et de beauté et de grandeur, qui montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un cheikh qui expliquait dans un charh de Kitab al-Tawhid que j'écoutais, il disait que la comparaison, quand on regarde l'explication par rapport aux étoiles, il y a souvent des liens ou des ressemblances avec les ulama, les savants. Souvent, on compare les savants aux étoiles. Pourquoi? Parce que, comme Allah SWT, comme on l'a lu dans l'autre chapitre précédent, pas le dernier chapitre, mais le chapitre avant, on avait vu que Allah a créé les étoiles pour trois choses. Que c'était une beauté pour le ciel, un embellissement du ciel, رجوما للشياطين ولابد للشياطين، إيه، أرينت الليجان دالا نوي، أوكي؟ les ulama, si on compare, on voit qu'ils ont le même rôle par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a ramené les ulama, les savants de l'islam. Ils sont une beauté en même temps, parce qu'on voit le fait comment ils embellissent la terre avec leur science, avec leur comportement, avec leur attitude et avec leur enseignement. Donc ils embellissent la terre et ils réforment la terre, hein, donc ils éliminent le péché, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, ils répandent la science, ils rejettent l'ignorance et tout. Ou arujum al-shayatin, parce que avec la science qu'ils possèdent, ils réfutent les diables et les ennemis d'Allah et les gens qui amènent des bid'ah et des shirk et des shubuhat, ils les lapident avec leur science, avec l'explication de la science qu'ils ont, hein. Et aussi, et c'est une orientation pour les gens, hein, comme les étoiles orientent les hommes dans la nuit, eh ben eux les savants, ils orientent les hommes dans l'obscurité quand ils sont égarés, quand ils n'ont pas de guidance, eh ben ils leur montrent le droit chemin. Donc il y a cette comparaison là que le cheikh avait fait, et je trouvais que c'était une belle comparaison en réalité. C'est pour ça que je vous mentionne ça maintenant. Ensuite, le cheikh il dit: Allah aqsama biha lima fiha min al-ajaib, amma al-makhluq fala yuqsim illa billah, kama jaa fi al-hadith: man halafa bighayri Allah faqad kafara aw ashrak, fala yajuzu al-half illa billah. Donc on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut jurer par ce qu'il veut de sa création. Toutefois, la créature, elle ne peut jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: quiconque jure par autre que Allah, il a fait un kufr ou un shirk. Donc c'est pas permis de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala pour la créature. قوله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا تنبيه على عظم هذا القسم، ولا يتنبه لهذا إلا أهل العلم الذين يتدبرون في آيات الله الكونية. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ce serment que Allah subhanahu wa ta'ala il fait en jurant par les étoiles, sachez que c'est un serment énorme, un très grand serment, si seulement vous saviez. Et le cheikh explique que la grandeur de ce serment, personne ne peut le comprendre, ou personne ne peut voir à quel point il est grand, excepté les gens qui ont le ilm, qui ont la science et qui ont médité sur les signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, bien entendu, yani, il y a beaucoup de signes dans les étoiles, dans le ciel, quand on les observe et quand on les étudie. Toutefois, yani, c'est uniquement ceux qui prennent le temps de les étudier et qui réfléchissent sur ces signes-là qui arrivent à en profiter. Toutefois, il y a des koufars parmi les ennemis d'Allah, parmi les gens qui sont loin d'Allah, qui étudient le ciel, parmi les astronomes, qui étudient les étoiles et les astres et tout, et qui ne tirent de ça aucune guidance et aucune orientation, malheureusement, parce que c'est comme s'ils voient avec leurs yeux, mais leur cœur est aveugle. Donc, ils voient les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et la merveille, comment Allah a tout créé ça, et ils ne veulent pas prendre de ça une leçon pour se soumettre à leur créateur. Au contraire même, ils s'éloignent plus de la guidance par la suite, malheureusement. Donc ça, c'est des gens qui ont nié leur créateur. Tandis que les croyants, lorsqu'ils observent le ciel et lorsqu'ils étudient tout ça, eh bien, au contraire, ça augmente leur foi et ça les raffermit et ça leur fait constater et être témoin de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit: ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ الْمُقْسَمْ عَلَيْهِ وَهُوَ الْقُرْآنِ. Allah subhanahu wa ta'ala il jure par les étoiles, mais il jure de quoi? Il jure du Coran. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. Il jure pour le Coran. من الكرم. C'est pour honorer le Coran qu'il jure par les actes sur le Coran, à propos du Coran. وهو الشرف الرفيع والرفعة وهو كريم. Quand on dit Karim, ça veut dire quelque chose qui est noble, qui est élevé. فهو كريم في منزلته وعظيم في معناه جليل في قدره لأنه كلام الله فهو أعظم الكلام وفضل كلام الله على غيره كفضل الله على خلقه. Donc c'est pour montrer l'honneur qu'on doit à ce Coran, pour montrer son niveau, la hauteur de son degré, et pour montrer la grandeur de sa signification et comment il est majestueux dans sa force, et comment également Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cette façon, il révèle cette parole, et c'est la meilleure parole, et le mérite de la parole d'Allah par rapport à la parole des autres créatures, c'est comparable à Allah par rapport à sa créature, c'est-à-dire il n'y a pas de comparaison qui est possible à faire. Hein. Et donc le cheikh dit « Wa fi kitab al-maknoun » ça veut dire « Ya'ni mahfouz » في كتاب المكنون يعني محفوظ والمشهور أن المراد بالقرآن أو بالكتاب المكنون هنا اللوح المحفوظ لأن الله كتبه في اللوح المحفوظ فهو مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب له ومكتوب في صحائف الملائكة ومكتوب في المصاحف التي في أيدي البشر ومحفوظ في الصدور فهو كلام الله بكل اعتبار. Le cheikh il dit, fi kitab al-maknoun, dans un livre bien, bien gardé et bien préservé, ici ça veut dire, comme c'est bien connu, c'est al-kitab al-maknoun, c'est al-lawh al-mahfoud, les tables préservées. Donc le Coran, peu importe où il est écrit, c'est la parole d'Allah, et c'est le Coran, et c'est la parole d'Allah. Qu'il soit écrit dans les tables préservées, ou qu'il soit écrit dans les pages des anges, hein, les feuilles que les anges transportent pour transportent pour amener l'information, ou bien que ce soit écrit dans le mushaf, ou dans le mushaf qu'on porte, ou bien que ce soit mémorisé dans nos cœurs, peu importe ça, tout ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe où il est écrit. لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. Il n'y a personne qui peut toucher ce livre excepté ceux qui se sont purifiés. Ici, en parlant de Allah al-Mahfouz, c'est-à-dire c'est les anges seulement qui peuvent le toucher. Et il dit وَهَذَا فِيهِ رَدٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْقُرْآنَ مِمَّا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الشَّيَاطِينَ وَاللَّهُ بَيَّنَ أَنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقْرَبُ الْقُرْآنَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ إنهم عن السمع لمعزولون. السمع يعني الوحي. Donc ici, le chef il dit là, il y a un masoul al mutahharun, c'est-à-dire c'est les anges. Et il y a une réfutation dans Saad pour les mouchriquins qui disaient que c'était les diables qui ramenaient ce Coran. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés en disant que non, les anges, c'est eux qui descendent la révélation et les diables, eux, ne peuvent pas approcher cette révélation-là, ni le Coran. Ils sont écartés, on les écarte de la révélation, comme c'est mentionné dans le verset 212, dans la sourate Ash-Shu'ara, ils sont mis à l'écart par rapport à la révélation, ils ne peuvent pas l'approcher. تنزيل من رب العالمين نزل به جبريل صلى الله عليه وسلم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وكما في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم يعني جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا توثيق لسند القرآن لأن روايته عن الله هو أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه سبحانه وتعالى وليس كما يقوله المشركون إنه من كلام الشياطين أو من كلام البشر أو من صحائف الأولين فهو كلام الله حقيقة وجبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام مبلغان عن الله Le cheikh explique, il dit que ce Coran, il est révélé de la part du Seigneur de l'univers, du maître de l'univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Jibril qui l'a descendu, cette révélation, à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis à sa ummah, à sa nation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 192 à 195 dans Surat al-Shu'ara, et certes c'est une révélation du Seigneur des mondes. Jibril, l'ange fiable, est descendu avec sur ton cœur pour que tu sois parmi les avertisseurs dans une langue arabe claire. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ » يعني جبريل « ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ » التكوير. Ça c'est dans verset Takwir, surat 19-22. يعني c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il dit que c'est la parole d'un noble messager, Jibril alayhi salam, qui a une force auprès de celui qui détient le trône. مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. Il est muta'in thumma amin. Il est obéissant et fiable. Et votre compagnon n'est certes pas fou, n'est certes pas parmi les fous. Ça dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est pour expliquer que la chaîne de transmission du Coran, ça c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui premièrement qui l'a transmis cette parole, c'est-à-dire c'est lui qui l'a dit cette parole, c'est sa parole à lui, ensuite il l'a transmis à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la part de Jibril. Donc on peut dire que l'islam c'est quoi? C'est la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a reçu de leur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a reçu de Jibril et lui Jibril qui l'a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala cette parole. Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas comme les mushrikines prétendent que c'est la parole des diables. Hein, ce n'est pas la parole des diables ou la parole des hommes ou la parole qui a été tirée des livres précédents, non, c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Et Jibril et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sont que des transmetteurs de la parole d'Allah, c'est pas leur parole, c'est la parole d'Allah, ils ne font que la transmettre, d'accord? C'est pas la parole d'Allah, c'est pas la parole des hommes, la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou la parole de Jibril, mais c'est la parole d'Allah réellement. Hein, des fois vous parlez avec des chrétiens, ou avec des juifs, ou avec des koufars, et eux ils veulent dire que le Coran c'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, le Coran c'est pas la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il ne faut pas mélanger les choses. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que transmettre la parole qui lui était révélée par Jibril de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit ثُمَّ قَالْ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ يعني تُكَذِّبُونَ بِهِ وَتَقُولُونَ هَذَا مِنْ كَلَامِ مُحَمَّدٍ أَوْ مِنْ كَلَامِ فُلَانٍ أَوْ مِمَّا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ الَّتِي تَتَنَزَّلْ عَلَى الْكُهَّانِ أو ما أشبه ذلك من أقاويل باطلة. Il dit, est-ce que c'est cette parole que vous traitez de mensonge, hein, et que vous dites c'est la parole de Muhammad ou la parole d'un tel, ou que c'est les diables qui l'ont ramené, qui l'ont révélé, comme ils révèlent des choses aux devins et aux médiums et aux voyants, ainsi que d'autres paroles de ce genre qu'ils prétendaient, ces gens-là, hein, qu'ils essaient de nier la vérité par ces paroles-là. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون معناه أنكم تنسبون الأمطار إلى الأنواع سمى الله ذلك كذبا وباطلا لأن الأمطار ليست من الأنواع وإنما الأمطار من الله سبحانه وتعالى وهو الذي ينزلها ويقدرها ويجعل فيها البركة وإنما فهو الذي ينزلها سبحانه وتعالى وفي هذا الأثر الذي رواه ابن عباس مثل ما سبق الرد على الذين ينسبون الأمطار إلى الأنواع وأن هذا كذب محض حيث أقسم الله سبحانه وتعالى وهو الصادق أن هذا كذب فدل على بطلان الافتساق بالأنواع وأنه يجب نسبة المطر إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى الأنواع ومن نسبها إلى الأنواع فقد كفر. Et le chef explique, il dit, c'est-à-dire, vous faites de la pluie une cause de votre mécréance, ou de votre ingratitude, par le fait que vous l'attribuez à la pluie, vous l'attribuez aux étoiles la pluie, hein, vous faites de la pluie, qui est votre risque et votre subsistance, une source de mécréance en l'attribuant à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé ça une forme de takdhib, une forme de mensonge, ou le fait de mentir à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est faux d'attribuer la pluie à ces étoiles-là. Parce que la pluie ne tombe pas à cause des étoiles, ou ne vient pas des étoiles, ou c'est pas les étoiles qui décident ou qui font tomber la pluie, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a fait descendre par sa force, hein, par son pouvoir, et il a mis dedans la bénédiction, et c'est lui qui fait grandir et pousser les plantes par cette pluie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui a le contrôle sur ça, hein. Et il dit également que dans la narration de Ibn Abbas, il y a la réfutation aussi à propos de ceux qui attribuent la pluie aux étoiles, et ça montre que c'est une forme de mensonge à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a juré, et c'est lui le véridique, on n'a pas besoin de jurer, mais il jure quand même pour confirmer, hein, que c'est un mensonge, qu'est-ce que ces gens-là prétendent, et que d'attribuer la pluie aux étoiles et aux astres, c'est totalement faux, et qu'on doit attribuer la pluie uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas aux étoiles, et que celui qui l'attribue aux étoiles, il a rejeté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la fin de ce chapitre, Inch'Allah, et donc la semaine prochaine on continuera avec le chapitre 31, Inch'Allah, qui parle de le shirk, ou bien des formes de shirk par rapport à ce qui a été mentionné dans le Coran au sujet de l'amour, et que c'est une forme d'adoration qu'on doit attribuer uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, son bien qu'on doit donner à Allah subhanahu wa ta'ala. On va expliquer ça la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك